J'aimerais maintenant que nous revoyions ensemble le passé, le futur et le conditionnel. Mais je voudrais en profiter pour ajouter quelque chose dont nous n'avions pas parlé dans notre méthode débutant, à savoir le tutoiement. Ce que nous avons vu jusqu'ici, c'est le vouvoiement, avec « lei ». Mais il existe aussi en italien, comme en français, un « tu », qui s'écrit de la même façon en italien, mais qui se dit « tu ». Tu. On emploie ce « tu » pour parler aux membres de sa famille, aux enfants, aux amis et aux collègues. Je veux que vous connaissiez cette forme parce que je veux que vous connaissiez tous les aspects de la langue. Mais cela dit, il est inutile de vous demander à chaque fois si vous devez employer « lei » ou « tu ». En fait, c'est très simple. Si pendant votre séjour en Italie, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous direz toujours « lei ». Vous ne prendrez jamais l'initiative de dire « tu ». En revanche, si vous vouliez d'amitié avec quelqu'un, que vous vous appelez par vos prénoms ou si l'autre personne se met à vous tutoyer, alors là, vous pouvez dire « tout » sans avoir à prendre vous-même l'initiative. Alors, pour ce qui est des verbes, commençons par exemple avec « parlare ». Comment dit-on « je parle » ? « Parlo ».« Parlo », oui. Donc, on a la terminaison « o » qui correspond à « je ». « Parlo ». Maintenant, « il parle », « elle parle » ou « vous parlez » avec le « vous » du vouvoiement, ça donne « parla ».« Parla », oui. Et « tu parles » avec le « tu » italien, qu'on prononce « tu », ce sera « parli » avec un « i » à la fin. D'ailleurs, ce « i » s'applique à tous les verbes, quels qu'ils soient. Pour le tutoiement. Comment dites-vous « je vends » ? Vendo. Vendo. Et alors, tu vends, la forme avec « tu », comment dit-on ça ? Vendi. Vendi, c'est ça. Donc, vous voyez que c'est tout simple. Il suffit de mettre un « i » à la fin pour la forme avec « tu ». Partire. Comme vous le savez déjà, c'est partir. Alors, comment direz-vous « tu pars » ? Parti. Parti. Parti. Voilà donc comment fonctionne la forme avec « tu ». Il y a quelques exceptions, bien sûr, mais elles sont peu nombreuses. Prenons par exemple « avere ». Avoir. « J'ai » se dit « o ». O. Et « il a » se dit « a ».« A » c'est « il a »,« elle a » ou « vous avez », le « vous » du vouvoiement. Pour le « tu », on dit « ai », H-A-I. On prend la forme qui correspond à « il »,« elle » ou « vous », on ajoute un « i » et ça donne « ai ». Tu as « ai ». C'est la même chose avec le verbe « aller » qui se dit « andare ».« Andare », oui, c'est l'infinitif. Mais la conjugaison elle-même est une combinaison de deux formes différentes, de deux verbes latins différents. L'un de ces verbes est « andare » qui donne « andiamo », nous allons, avec la terminaison « iamo », I-A-M-O, qui est commune à tous les verbes. Par contre, comment dites-vous « je vais » ? Vado. Vado, oui. Et il va ? Va. Va, c'est ça. Donc, on a « vado » et « va » qui viennent du latin « vadere ». Et « tu vas » ça se dit comment ? Vai. Vai, voilà. Donc, vous voyez que c'est comme en français. Où le verbe « aller » se construit lui aussi à partir de deux formes latines différentes. « Je vais »,« tu vas »,« ils vont », mais « nous allons »,« vous allez ».